suis en permanente guerre avec moi-même. Sans repère, ma lanterne se fait la peine. Je me sens du père dans cette atmosphère malsaine. Tu veux savoir ce que le mal enseigne? Vas-y, vas-y, t'es mal à scène. Je suis en permanente guerre avec moi-même. Sans repère, ma lanterne se fait la peine. Je me sens du père dans cette atmosphère malsaine. Tu veux savoir ce que le mal enseigne? Je suis en permanence attiré par Lucifer. Dur de la traquer sans flair, il faut que tu sniffes l'air. Le démon se cache, gaffe, fais gaffe, où tu t'investis, le vesti. C'est pas évident si tu l'estimes. Sans repère vers ce chemin pervers on part. Le mal domine nos vies mais la plupart le verront pas. Le chétan, un peu partout dans nos vies travestis. T'es mal à scène et t'hallucines, il traîne dans les états d'esprit. Écoute mec, le mal te blesse plus fort qu'un coup de tête. C'est pas une croix sur ta gourmette qui te sortira de cette routelette. Si tu combats ton démon, je te fais la bise. Trop peu esquive les putes, la haine, la tease et les sales bises.